de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Génie créé par Dieu, immortel, descendu de la montagne, il représente l'esprit des anciens et parle leur langue. Leurs visages sont rouges, noirs, terrifiants ou apaisants, et lorsqu'ils pénètrent dans un village, ce sont les ancêtres qui s'expriment par leur bouche et par leur danse. Le temps de la fête, l'espace de quelques heures, ils détiennent alors le pouvoir absolu. En 1985, pour son magazine L'Échappée Belle, Marie-Hélène Freissé se rendait dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans deux villages situés aux alentours de la ville de Mans, pour assister à la fête des masques. Le masque, c'est tout à la fois l'objet porté au visage et celui qui le porte, c'est-à-dire le génie qui l'habite. « Il ne faut pas badiner avec ça », disait l'un des hommes croisés au cours de ce reportage. « Chez nous, tout part du masque ». Une émission réalisée par Annie Flavel et diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 avril 1985. Vous venez de lui mettre quelque chose dans la main, là. Qu'est-ce que c'est? Comment? Je viens de remettre à la dame une noix de cola. C'est le symbole de l'hospitalité, de la reconnaissance. Déoulé, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, vendredi 5 avril. Une griotte nous a accueillis à l'entrée du village. Les danses ont commencé. Ces danses-là, ce sont des danses rituelles. Chaque fois, avant la venue des masques, on fait ces danses-là. Et alors, c'est des danses de réjouissance. Demain, il y aura les masques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de masques. Ce jour-là, à Déoulé, petit village Yakouba, on annonce la fête de l'igname, la fête du yab. Déoulé se trouve en pleine forêt tropicale dans la région des montagnes, près de Mans. Le village lui-même est au pied d'une sorte d'énorme monolithe de granit, la montagne sacrée des Yakouba, où en grand secret, dès que la nuit sera tombée, les masques vont se préparer. La veille, jeudi, tout le village a commencé à se mettre en condition. Les enfants ont nettoyé la route sacrée qu'emprunteront les masques. Et ce, sous la direction du masque gendarme, le seul qui soit déjà sorti et qui veille au bon déroulement de la fête. Les femmes sont en boubou, torse nu. Elles se sont peint le torse, le visage et les bras avec une sorte de bouillie blanche de kaolin. Alors, les décorations, vous voyez, les décorations, elles sont différentes. C'est à chaque nouvelle année, il y a chaque décoration pour chaque femme. Vous savez, il y a les fêtes, regardez ça par exemple, c'est très joli. Elles font ça, l'année prochaine, ce ne serait pas la même chose, ça va changer. C'est comme ça, chaque année, il y a des décorations. Et à chaque nouvelle année, il faut chaque décoration, comme ça, pour donner un nouveau ton à la fête. Chaque groupe a son masque bien désigné, mais il y a des jours de sortie de masque, c'est demain. Actuellement, c'est une sorte de publicité. Toute danse est appropriée à un certain nombre de masques. Et ces masques-là sortiront demain, à peu près 50 masques ou plus. Le Alors là, on a trois groupes qui font une sorte de parade. Il y a devant un groupe d'hommes, derrière des gens qui portent des sortes de masques posés sur le haut du crâne, enfin en cuir, et derrière des enfants décorés avec des herbes. Et ce que vous appelez d'abord des herbes, c'est pas des herbes, c'est le cœur qui est sorti du palmier, là, ce qui est bien blanc. Parce qu'on utilise les palmes, c'est les palmes. On utilise ça parce que c'est un signe de bonheur chez nous. Et quand il y a ces fêtes de réjouissance comme ça, on considère que c'est une fête qui peut apporter du bonheur. Et ce qui est signe de bonheur, on le met. Quand on va souvent dans les bois sacrés ou dans les rivières sacrées, on utilise ça pour amener là-bas. Et quand il y a une fête comme ça, qui est sacrée, on utilise aussi ces palmes-là. Alors là, le masque gendarme a chassé les danseurs, il a trouvé que ça suffisait. Oui, voilà, justement, comme les polices de l'ordre le font, il faut maintenant organiser tout. Alors on va le décrire un peu, le masque gendarme, parce qu'il a de la paille autour des chevilles. Oui. Il a une grande jupe de paille, très épaisse, qui ressemble un peu à un tutu. Oui. Il a une sorte de cape bleue, un chapeau aussi en paille avec de longs cheveux qui sont aussi en paille. Oui, et un masque rouge. Oui, un masque rouge. Qui fait un peu peur. Le rouge fait peur. Le rouge fait peur, n'est-ce pas? C'est pour vous montrer quand il sort comme ça. C'est un peu la police. Quand vous voyez les policiers, ils sont casqués, ils sont habillés en treillis et ils ont souvent les matraques. Et maintenant, les chicottes représentent là les matraques. Et la paille, là, c'est une sorte de protection aussi. Et la grande casque sur la tête, là, c'est une sorte de protection. Le rouge, c'est pour faire peur. Et comme c'est les masques gendarmes, ils font tout cela maintenant pour pouvoir faire peur aux enfants récalcitrants. Organise le lignage, parce que l'organisation de la société est basée sur le lignage, qui est l'unité à la fois économique et administrative. Angèle Nyonsoa. En général, l'ensemble des descendants qui se reconnaissent un ancêtre de descendant agnatique, n'est-ce pas? Et cet ancêtre peut être connu ou bien simplement mythique. Mais en général, c'est une très grande famille. Avec, enfin, il peut même y avoir des sous-lignages lorsque le lignage devient de plus en plus important. Donc, le lignage est organisé autour du chef de lignage. Mais à côté du chef de lignage, il y a les institutions sacrées. L'équipe même qui constitue cette institution doit rester absolument invisible aux non-initiés. Et évidemment, c'est une situation un peu difficile avec l'évolution. Parce qu'autrefois, les villages étaient des villages fermés. Donc, les gens s'organisaient entre eux. Et actuellement, que les villages sont ouverts aux étrangers, eh bien, cette institution est en déclin parce qu'elle ne peut plus faire la loi au niveau du village. Parce qu'autrefois, quand les cuis sortaient, les femmes, les enfants et les jeunes gens qui n'étaient pas encore initiés devaient se cacher. Alors, c'était deux hommes dans des sortes de pyjamas avec des franges, des costumes assez spectaculaires. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il parle de la sortie du masque dont je parlais tout à l'heure, demain. Ce n'est pas des pyjamas. Ça, c'est... Ça ressemble. Ça, c'est... Oui, c'est un ensemble qui prouve que le masque qui va venir demain est très, très, très beau. Et qu'est-ce qu'ils disent, les mots précis qu'ils disent? Les mots précis, c'est-à-dire que demain, vous allez vous attendre à beaucoup de choses. Le masque Yaki va faire beaucoup de choses. Il va grimper à l'arbre, il va quitter là-bas, sauter, tomber sans avoir de problème. C'est comme ça. C'est des publicités en fait. C'est les éloges du masque qu'ils font actuellement. Ah, Je disais, vous savez, quand ils chantent aussi, ils disent le nom de ceux qui sont promoteurs de ce masque, c'est-à-dire ceux qui gardent le masque. C'est ça, ils disaient tout à l'heure le nom de Tia. Cérémonie de la fête de Yahoo, il n'y a jamais de tam-tam. On ne tape pas le tam-tam, du début jusqu'à la fin, même 2 semaines avant. On prévient tout le village. Pourquoi ? Parce que c'est un tabou et un interdit, il ne faut jamais passer cela. Non, mais on peut savoir pourquoi ? Hein ? Ah, vous savez, chez nous ici, il y a certaines choses qu'il faut révéler, mais pas tout. Ce qui est. Qui ressort des initiés, il faut être initié pour connaître pourquoi. Mais seulement, tout ce qu'on sait, on sait que c'est un interdit. Il ne faut jamais faire ça. C'est comme vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez jamais aller dans la forêt sacrée, dans les bois sacrés où les masques sortent. Donc ça, c'est un interdit. Celui qui fait ça, vous arrivez ici, que vous soyez étranger ou quoi, arrivez, on vous dit tout de suite que pendant la fête, il ne faut jamais, jamais, jamais, jamais de tam-tam. Si quelqu'un joue du tam-tam, qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un joue du tam-tam, il est amené dans la case sacrée et c'est là-bas qu'on prend les sanctions. Ça peut aller jusqu'à la mort. Même aujourd'hui ? Ah, même aujourd'hui. Même si moi-même j'enfreins cette loi, je peux subir les mêmes peines. Parce que comme ça, on tient notre tradition comme ça, tout droit. Là, personne ne peut enfreindre la loi. Ça permet aussi dans la société au village, qui est une société organisée à notre manière, hein, que dans le village on respecte les vieux et qu'il y ait une loi, que tout soit droit dans le village. Voilà. Ça part de là. Chez nous, le masque est une entité, tout part du masque, tout est sacré. Quand il s'agit du masque, tout est sacré. Tout à l'heure, moi j'étais quelque part, j'ai fait une petite erreur et j'étais obligé de demander pardon. Ah, au vieux qui était là, parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors il m'a dit, non, on ne fait pas comme ça. Vous êtes venus de là-bas, on sait bien, mais quand vous arrivez au village, vous êtes nos enfants. Comportez-vous comme chez nous au village. Donc, vous avez fait une erreur. Essayez de réparer ça. Et alors comme ça, soit on sort une cola symbolique représentée par une pièce de 100 francs ou quelque chose de ce genre qu'on donne. Et puis on pardonne. Là, ce n'est rien. C'était pour la boisson seulement, mais pour ce qui concerne les masques, c'est plus fort. Il ne faut pas badiner avec ça, hein. Sinon vous pouvez jusqu'à mourir. Et je le répète, c'est très très très très, très très très très sacré chez nous. Vous pouvez lui demander son nom et son rôle précis dans la danse, puisque nous avons devant nous le sorcier de ce groupe de danseurs. Il s'appelle Gogo. C'est le sorcier du groupe. Oui, il dit qu'il tient le village, il tient le groupe. Et c'est lui qui est le bouclier du groupe. C'est là son rôle principal. Il dirige le groupe et il est en même temps le bouclier du groupe. Pour celui qui va lancer le sort d'un groupe concurrent. Il va monter sur la montagne cette nuit. Ça va, ouais, calme-toi, Koui. Calme-toi, ton. Viens là. Non, ouais, calme-toi, si, le masque après les danses rentre sur la montagne. Et là, comme ça, demain, le masque descend des montagnes. Et la grande montagne là qu'on appelle Goula, vous voyez là, ils vont défiler là-bas. À Déoulé, dans la poussière rouge de la rue centrale, les danseurs, hommes, femmes, enfants, vont continuer la parade jusqu'au soir. Bon, maintenant, les gens vont rentrer, ils vont faire leur toilette et après, toute la nuit, il y a la réjouissance populaire. Les gens vont danser dans tous les quartiers, ils vont se réjouir. Il y a des jeunes qui se mettent à 3, à 4, par groupe que vous avez tout à l'heure. Ils vont se manifester jusqu'à demain matin. Et demain matin, maintenant, ceci annonce l'arrivée des masques. Mais les femmes cette nuit, oui, vont rester chez elles. Les femmes, les jeunes filles, les femmes qui ne sont pas fatiguées vont se mêler au groupe pour se manifester, pour s'amuser. Ceux qui ne sont pas trop fatigués, maintenant, ils vont s'amuser. Ça, en tout cas, il n'y a pas de distinction de sexe et de choses. Mais je croyais que les femmes devaient rester enfermées dans leur maison. Ce n'est pas maintenant que les femmes restent enfermées. Les femmes restent enfermées le dimanche, c'est-à-dire après-demain, quand le masque sacré va venir. C'est en ce moment-là qu'on aura enfermé les masques, et c'est les femmes et les non-initiés. Moi, personnellement, je ne suis pas complètement initié. Personnellement, le dimanche au soir, moi, je serai aussi enfermé. Et c'est les initiés, les vieux qui assisteront à l'arrivée du grand massacré qui est dans la forêt, qui n'est vu que par les initiés. Voilà. Qu'est-ce qui représente le masque? Il représente les morts qui viennent parler aux vivants? Bien, le masque pour nous, le masque, c'est le man, c'est l'esprit des anciens. C'est en quelque sorte l'intermédiaire entre les morts et les vivants. C'est un tout. Ça représente l'autorité. C'est le masque, pour nous, a une loi qui ne doit pas être violée. Quand il y a des litiges, des grands litiges dans la famille, dans le village, dans la région, c'est le masque sacré qui intervient et il tranche les litiges. Ce que le masque a dit, nul autre doit redire. Quand le masque interdit quelque chose, personne d'autre ne doit dire le contraire. Le masque, c'est un génie qui a été créé par Dieu. Donc, comme l'homme, il a été créé, mais il est immortel. Et il a été donné aux hommes, et en particulier à chaque lignage, pour aider à organiser. Donc, ce masque-là a un porteur qui, au départ, l'aurait vu en rêve. Il se serait révélé, n'est-ce pas, à ce premier homme porteur. Et il aurait donc dicté ses conditions pour vivre avec les hommes. Donc, il se place dans une situation prédominante. Il est supérieur. Donc, le chef de lignage, lui, il a un pouvoir en quelque sorte permanent, mais lorsque le masque se manifeste, son pouvoir est supérieur à celui du chef de lignage. Mais dans la mesure où l'institution est une création des hommes, le pouvoir, la renommée, le prestige du masque sont en rapport avec le prestige du lignage, et en particulier du chef de lignage, parce que le masque, il n'a de pouvoir qu'une fois qu'il sort, une fois qu'il est sur la place publique, une fois qu'il se manifeste. Mais pour qu'il se manifeste, il faut que la communauté des hommes soit d'accord. Même quand le porteur veut sortir son masque, il faut qu'il ait l'autorisation de l'ensemble des hommes adultes du village. Parce que l'organisation incombe à ces hommes-là. Parce que quand le masque sort, il faut qu'il ait des serviteurs. Donc, il mobilise au moins 7 à 8 ou même 10 personnes. Et lorsque c'est un grand masque, un masque sacré, il y a autour de lui plus de 50 personnes. Bon, il faut immoler des animaux. Il faut lancer des invitations, des masques du même rang que lui, des notables. Il faut lui faire des dons. Il faut aussi faire des dons à ses invités. Par conséquent, c'est seulement quand les villageois sont prêts que le masque peut sortir. Maintenant, si le porteur abuse quelque peu de son autorité, puisque une fois qu'il est paré, qu'il est sur la place publique, il est le maître unique. S'il abuse, les hommes peuvent faire la sourde oreille pour ne pas le laisser sortir. Ils peuvent dire, bon, mais on va attendre après les récoltes, et puis après les récoltes, ils disent, bon, mais il y a tel événement, etc. Et quelquefois, si le porteur, s'il lui arrive de commettre des fautes graves, il peut être suspendu. Par conséquent, bon, le masque a un pouvoir. Quand on voit de l'extérieur, on pense que c'est un pouvoir vraiment omnipotent, mais en réalité, c'est l'ensemble des initiés, hein, ceux qui se rencontrent dans l'enclos, qui sont le pouvoir même du masque. Et il n'est que le porte-parole de l'ensemble des citoyens adultes, n'est-ce pas, du lignage. Vendredi 5 avril, la nuit tombe sur Déoulé, les familles se sont retirées dans les cases, des femmes ont allumé des feux et nous offrent des beignets de bananes, tout ça avec beaucoup de gentillesse, un grand sens de l'hospitalité. Dans la forêt sacrée, les masques donc se préparent et la lune qui vient juste de se lever derrière la montagne éclaire tout en haut la fumée d'un grand bûcher, là sans doute où se trouvent les groupes d'initiés et les porteurs de masques. Un secret d'ailleurs absolu sera gardé sur la nature de ces préparatifs malgré nos questions. Il ne nous reste donc qu'à rentrer pour passer la nuit dans la ville la plus proche qui est la ville de Mans. Et dès le lendemain matin, nous reprendrons les 40 km de piste à travers la forêt de palmiers et de fromagers pour retrouver Déoulé. Voilà. Samedi 6 avril, nous sommes accueillis dans la maison du chef de Déoulé en présence de Dion Sadia, qui est originaire d'un village Yacouba voisin, d'un village d'An, et qui nous accompagne pour cette fête exceptionnelle à laquelle très peu de Blancs participaient. Dion Sadia est le ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire, mais lui-même reconnaît obéir scrupuleusement aux lois de son ethnie quand il est chez lui. La cérémonie des salutations commence. Je remercie de venir, d'être venu avec des amis pour qu'on leur montre notre tradition. Mais on respecte les gens à travers Dieu. On pardonne les gens à travers Dieu. Il a parlé son Yacouba là maintenant, je n'ai pas saisi un seul mot. Nous sommes donc assis dans la cour du chef de Déoulé, ombragé par un grand arbre, heureusement d'ailleurs parce qu'il commence à faire très chaud, et les anciens défilent pour nous saluer. Un détail d'ailleurs me frappe, un détail qui met un peu mal à l'aise tous les Européens que nous sommes. Malgré la cordialité de l'accueil, au moment où chacun nous serre la main, il détourne le regard. La première personne est regardée pour elle-même. La deuxième personne, au moment où on achève de serrer la main à la première personne, on la regarde déjà. Si bien qu'au moment où sa main est serrée, on est déjà en communion avec le suivant. C'est pourquoi vous avez eu cette impression-là. Au moment où la main touche celui à qui on va serrer la main, on a déjà fini de communier en principe avec elle. Et c'est la personne suivante qu'on suit. Et hier, j'ai remarqué que quand on nous présentait aux anciens du village et aux chefs du village, durant le texte de la présentation, si vous voulez, ils détournaient les yeux et regardaient ailleurs. pour l'Africain d'une façon générale, le dan en particulier, ce n'est pas le physique de son face-à-face qui importe, c'est la signification. Et donc, lorsqu'on est en train de vous présenter, c'est ce qu'on dit qu'il écoute, et en écoutant, il peut regarder par terre, il peut regarder ailleurs. Ce n'est pas un élément d'intérêt ou d'inintérêt que de ne pas regarder la personne. Pour l'Européen, évidemment, lorsqu'on vous parle, on doit vous regarder. Ici, en communiquant, nous pensons que si vous entendez ce que je dis, ça suffit, je n'ai pas besoin de vous regarder. Maintenant, toujours en attendant les masques, la cérémonie de la boisson. On vient de nous apporter du vin de palme. Oui, c'est ça. C'est du bangui, du vin de palme, un peu blanc laiteux, quelque peu fermenté. Le premier verre a été jeté par terre et dans la boue qui a été créée. Donc, on a prélevé un peu de cette boue et on nous en a mis sur le front. Sur le front. Parce que le premier verre est destiné aux ancêtres qui, en principe, en esprit, comme vous le savez, dans la communauté Dan, comme dans plusieurs communautés africaines, les ancêtres qui sont morts ne sont pas morts, ils vivent en permanence avec nous. Et donc, chaque fois qu'on mange, qu'on boit, on leur en offre. Et s'ils le prennent, ils tendent la main pour nous bénir. Et c'est pourquoi le premier verre qui est versé pour les ancêtres, chacun met son doigt dessus, met au front ou bien sur le cœur pour être béni des ancêtres. Voilà, on aura compris que les libations ont été brutalement interrompues par l'une de ces pluies torrentielles dont la Côte d'Ivoire a le secret, donc un retrait précipité dans la maison du chef. Puis nous irons nous réinstaller dans la cour sous un abri. Premier passage des masques, deux masques qui ressemblent aux masques gendarmes et qui viennent, je pense, nous annoncer que les autres vont descendre. Oui, oui. Et ils sont différents. Celui qui a le boubou rouge est le plus puissant. Et c'est pourquoi, lui, il ne serre la main qu'aux hommes. En fait, ses manches sont cousues, donc il a serré la main à travers un tissu. C'est ça, sa main, oui, parce qu'on ne doit pas voir leurs mains, ni leurs pieds, pour ne pas les reconnaître, parce qu'éventuellement, il peut y avoir des petites marques sur les doigts de pied ou les doigts de la main, et il ne faut pas qu'on distingue cela. Et c'est pour cela que celui qui est en bleu rayé, lui, il peut serrer la main à tout le monde. Mais celui qui a le boubou rouge rayé... Et le masque Le masque ne peut serrer la main qu'à des hommes. L'imitation de barbe est plus blanche, donc il est supposé être le plus âgé. Parce que la puissance dans la communauté danse s'acquiert par l'âge. On ne peut pas être chef de village si on n'a pas atteint un certain âge. On les décrit un peu, ces masques, dont des masques en bois assez peu colorés, surmontés par une sorte de coiffure en feuilles sèches, et tout autour une énorme chevelure en raffia. En raffia, c'est des fibres de palmier raffia. Et en fait, ce que le Dan appelle ici le masque, c'est et la coiffe, et le collier en raffia, la figure de masque, le tissu et le type qui est dedans. Au bord de la piste, juste sous la montagne sacrée, on a installé un auvent de palme, un apatam, sous lequel nous nous installons maintenant. Les masques sont descendus de la montagne, ils sont encore cachés derrière un monticule, ils finissent de se préparer, tandis que les danses se succèdent. En ce moment, c'est chaque groupe qui anime la cérémonie qui défile pour nous saluer. C'est donc à leur manière la salutation qu'ils viennent de nous adresser. Un autre groupe va venir ensuite aussi pour faire la même chose comme les vieux l'ont fait tout à l'heure pour nous saluer. Il y a combien d'habitants ici à Déoulé? 800 environ, mais aujourd'hui vous avez beaucoup plus parce que c'est l'union de trois villages. Maintenant, c'est la rentrée des masques. Et là, vous avez, qui passe présentement là, vous avez les masques amuseurs, les petits masques, les masques mendiants qui sont là. Présentement, les masques, ils ne sont pas tous au nom parce qu'il fait chaud. Sinon, il y a plus d'une vingtaine qui se trouvent encore dans la brousse sacrée là-bas. C'est demain en principe, comme ils sont venus de la montagne aujourd'hui. Et ceux-là vont faire le tour complet du village. Ils vont faire le tour complet du village et après ce tour, ils pourront se manifester un peu. Les masques qui sont là, ce ne sont pas des humains, ce sont des génies, ce sont des êtres qui vivent là-bas, indépendamment de ce que nous faisons. Ils ont un langage particulier. Vous avez vu que le vieux qui suivait et le vieux qui était devant tout à l'heure, que vous avez vu, c'est lui qui comprend le langage. Sinon, ce ne sont pas des êtres humains. Donc, c'est une tradition, c'est une déontologie. On ne peut pas vous dire que ce que vous voyez défiler, c'est des hommes. Donc, ne vous attendez pas à nous entendre vous dire que tel masque, c'est tel qui occupe telle fonction sociale dans le village et que tel jour, il s'en va dans la montagne. Ce sont des génies qui sont descendus de la montagne. Se lève pas du jour au lendemain pour faire sortir le masque. D'abord, si l'initiative vient de lui, il pose le problème à l'assemblée des initiés et si c'est accordé, il doit disparaître du village. Il va en voyage, soit dans un autre village ou bien il va simplement dans son champ, dans son campement et il y reste un certain temps. 8 jours, 1 mois, selon l'importance du masque. Avant que le masque ne paraisse. Bon, donc, 8 jours ou 4 jours avant que le masque ne paraisse, évidemment, il vient et il reste dans le village, mais dans l'enclos. Il ne se fait plus voir, il est considéré comme en voyage. Et à partir de ce moment-là, les chanteurs arrivent et restent dans l'enclos et chantent les louanges, n'est-ce pas, du masque. Et c'est à ce moment-là qu'on le met en condition. Donc tous les soirs, il y a une réunion et les gens chantent, ils évoquent enfin l'histoire et tout. Et ils dansent aussi. Et après un certain nombre de jours qui a été fixé à l'avance, le masque sort. C'est-à-dire que l'individu, de toute façon, du jour où il a créé son masque ou bien du jour où il a hérité, il y a eu un certain nombre de cérémonies. Et puis, bon, il a la foi. Déjà, avant de pouvoir prendre, il faut avoir la foi. Donc, quand il arrive et que pendant ces quelques jours, n'est-ce pas, il reste dans l'enclos avec des notables qui lui donnent des conseils, avec les chanteurs qui évoquent les hauts faits des anciens porteurs, etc., il est mis en condition. Et effectivement, il épouse l'esprit même du génie. Pour ce qui est du masque, bon, bien sûr, c'est l'ensemble qu'on appelle le masque. Mais en fin de compte, ce qui symbolise essentiellement le masque, c'est le visage. Parce que les autres parties peuvent disparaître. Il n'y a pas de préjudice. Mais dès que... Enfin, et c'est même au visage que l'on sacrifie régulièrement. Donc, même du point de vue de la symbolique, n'est-ce pas, c'est le visage. Et quand on sculpte, il y a une certaine cérémonie qu'on n'a pas besoin de faire pour le raffia, qu'on peut changer à tout moment, on peut emprunter le raffia d'un autre masque, etc. Un masque. Il faut auparavant en informer l'ancêtre du clan. Celui-ci se met alors en quête de l'arbre dans lequel sera taillé l'objet. Cet arbre est dénommé Kohou. Lorsqu'après avoir interrogé les dieux, le vieillard a fixé son choix, l'arbre devient un Kohou pour le clan totémique. Les femmes n'ont pas le droit de le voir et doivent éviter de passer en des lieux où leur regard pourrait tomber sur lui. L'ancien bénit l'arbre qui est ensuite abattu par des hommes circoncis à un moment propice, indiqué par les oracles. Le jeune homme peut alors détacher du tronc une bûche qu'il façonnera. Il ne peut être tiré qu'un seul masque de l'arbre. L'homme s'installe hors du regard des femmes. Il fend la bûche en plusieurs morceaux, selon les dimensions du masque désiré, et en retient un. À l'aide d'une petite hache traditionnelle, il enlève puis entreprend la confection proprement dite de l'objet. L'intérieur, c'est-à-dire le côté le plus proche du cœur de l'arbre et qui sera appliqué sur le visage, est toujours façonné en premier lieu. Avec sa hache, l'homme creuse donc cette face jusqu'à lui donner la courbure recherchée. Il la polit ensuite avec du sable afin de la rendre lisse. Puis il commence l'autre face, c'est-à-dire le visage du masque. Il creuse et façonne l'œil droit, car c'est celui qui autorise la vue du masque. Il sera donc plus large que le gauche. Il dispose autre part, de par la forme de l'œil, d'un champ de vision horizontal qui lui interdit de voir ses pieds. Ensuite, l'œil gauche est taillé. Puis vient le tour du nez et enfin celui des lèvres, de la bouche. Éventuellement des dents peuvent y être insérées, des dents d'origine humaine, animale, petite languette de métal ou pointe. Lorsque tous les traits sont façonnés, la face entière est polie avec du sable. Le masque se présente à ce moment comme un objet de bois blanc. Il s'agit alors de lui donner sa teinte définitive. Devant nous, ils vont faire maintenant le tour du village. Oui, mademoiselle, ils vont faire le tour du village. Et la signification de ce bouclage du village, c'est d'une part nettoyer le village de tous les mauvais esprits, purifier le village et mettre un cordon sanitaire, imaginaire bien sûr, autour du village pour protéger et les habitants et leurs invités pendant toute la durée des cérémonies, ces jours-ci, contre les maléfices des mauvaises gens et des mauvais esprits. Alors, on va les décrire un petit peu, ces masques, parce qu'ils viennent d'en passer un. Ils ont des différences, mais ils ont tous une sorte de couronne de raffia autour de la tête, une jupe de raffia très épaisse et des petits bandeaux de raffia autour des chevilles. Et ça, c'est tout à fait traditionnel. C'est comme ça. C'est un signe qui dit qu'ils viennent de la Brousse. Alors, à signaler qu'ils ont les masques caractéristiques des Yacoubas, c'est-à-dire des masques foncés, brillants, des masques noirs brillants, oui. Avec des traits très, très purs, oui, des yeux en amande et des nez très rectilignes. Oui, et dites-vous que ces masques, par leur visage, il y en a qui présentent une certaine laideur, ça... Comme les gendarmes qui sont là, ce sont des masques qui chassent les génies, ce sont des masques qui tuent les gens. Alors en ce moment, vous les verrez avec une figure un peu plus foncée et puis l'allure un peu fâchée. Devant nous, un masque qui parle et qui danse. Tamboyé. Bon, ici c'est un masque, le masque à mon. Il ne parle pas. Bon, son bruit est que. Ça ne veut rien dire. Bon, c'est un bruit sauvage. Donc, il n'a pas de précision. Ce masque est là pour ça. Donc, à ce moment-là, il faut parler un peu. Bon, oui, nous connaissons. Voilà, c'est sa façon de. Voilà. C'est sa façon de parler. Continue. Ah oui, donc. Oui, donc. Voilà. Voilà, et cette voix caverneuse nous provient derrière un masque peint en noir, assez impressionnant. Et il redanse à nouveau. Le langage même des hommes. Mais quand ils parlent le langage des hommes, ça doit être un langage pur. Et sur le plan linguistique, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que quand on écoute le langage des masques, on voit l'évolution de la langue. Hein, parce que le langage des masques aujourd'hui, par rapport à celui que nous parlons, en pays où est, eh bien, il y a une différence. Donc, Ah, ils ont appris une langue particulière pour parler quand ils sont dans leur rôle de masque. Alors. Non, c'est-à-dire, c'est la langue ancienne, en quelque sorte. Il est interdit au masque de parler une autre langue que la langue Wé, par exemple. Par conséquent, il est interdit d'y introduire des mots djoula, des mots français. Eh bien, le masque peut être sanctionné si un masque sacré, en parlant Wé, dit parce que ou bien bon... bien, il va être sanctionné. Donc, ils sont obligés de parler un langage pur. Ça veut dire qu'au sein de la société des masques, alors, il y a tout un apprentissage de la langue. De la langue. Il faut bien parler la langue. Donc, il y a certaines évocations qu'ils font et qui sont assez archaïques et qu'on ne comprend plus, mais qui avaient sans doute des significations autrefois. France Culture, l'échappée belle. Partir, découvrir. Aujourd'hui, fête des masques en Côte d'Ivoire. Thank you. Samedi 6 avril, 21h, nous arrivons à Béoua, où se prépare une autre fête des masques qui ne connaît pas le même interdit de tam-tam, comme on l'entend. Béoua, c'est un village d'une autre ethnie, les Guérés, qu'on appelle aussi Wé, et qui sont originaires du Libéria de l'autre côté du fleuve Kavali. À Béoua, nous allons suivre l'apparition de masques plus importants, des masques guerriers, des masques de sagesse, et ce, au terme d'un sacrifice. Ce qu'on fête ce jour-là, c'est la récolte du riz, une fête qui a d'ailleurs été déplacée. Au départ, elle avait lieu en septembre, mais on l'a déplacée aux vacances de Pâques afin que ceux du village, qui travaillent en ville puisse revenir y assister. Dimanche 7 avril, procession au Makoré, l'arbre sacré du village de Béoua. Sur les hauteurs de la montagne Mouhoun, située en plein cœur du pays Guéré, Dieu créa les hommes et les femmes en nombre égal. Ils vivaient en parfaite harmonie avec ces humains qui ne connurent ni la faim ni la misère, jusqu'au jour où la jalousie, esprit du mauvais génie, mit ces créatures en conflit. Ce comportement irrita alors Dieu, qui les chassa tous de sa montagne sacrée. Donnant à chaque couple une chaîne munie d'un crochet, il dit « Allez partout traînant derrière vous ce crochet, vous vous installerez là où il sera retenu. » Les couples partirent chacun dans sa direction. Le couple ancêtre des Gao prit la direction du soleil levant à la recherche de son lieu d'habitation. Il marcha des jours et des nuits, écrasé par la chaleur accablante. Toutes les sources, tous les marigots avaient tari. Les bruits des feuilles sèches craquant sous les pieds éloignaient le gibier. Et le crochet glissait. Glissait même sur les grosses racines et les troncs d'arbres tombés en travers du sentier. Le couple apprit ainsi pendant des jours, pendant des semaines, à connaître la faim et la soif. Un soir, à l'heure où les singes descendent des arbres en quête d'un point d'eau, le crochet enfin se fixa sur une racine presque invisible, à fleur de terre. La racine était fine. L'homme n'y croyait pas. Il tira, tira, mais en vain. La petite racine tint bon. À bout de force, il leva les yeux pour mieux examiner l'arbre dont la racine retenait le crochet. C'était un makoré dont le feuillage épais formait un grand cercle d'ombre. L'homme et la femme comprirent alors qu'ils étaient arrivés à destination. Ils s'assirent un moment à l'ombre du makoré où un vent frais et léger leur redonna des forces. Ensuite, dans le souci de mieux connaître les lieux, ils en firent le tour et découvrirent avec joie que l'arbre se trouvait au-dessus d'un ravin. Au fond de ce ravin coulait une eau claire et limpide. Ils descendirent précipitamment et se désaltérèrent. Mais en regardant mieux là où naissait le ravin, ils comprirent qu'ils venaient de boire à la source de la sève du makoré, la source du salut. La procession annuelle au Makoré qui commémore la naissance de l'ethnie Guéré, nous allons la suivre avec Marcelin Goulet-Thiessam, qui est l'un des organisateurs de la fête à Béoua. Comme leurs ancêtres, les processionnaires tirent une chaîne terminée par un crochet. Là, on a lié les pattes du mouton. Quelqu'un prend un grand couteau. Alors, le dépositaire de la coutume vous souhaite la bienvenue à cette fête. Et souhaite à chacun et à chacune que, après l'immolation de ce mouton sacré, que tous vos vœux soient accomplis, que vous partez d'ici avec bonheur et prospérité. Il vous souhaite longue vie. La poudre blanche que vous verrez entre les mains d'une dame, cette poudre, vous pouvez l'appliquer sur votre visage. C'est le signe de bonheur et que votre voyage se passe très bien. La fête s'ouvre enfin. Voilà, on va sacrifier le mouton. Ça y est. On prend le coteau. Ça y est. Voilà. On a égorgé le mouton. L'après-midi, nous nous rendons sur la place publique de Béoua, toujours accompagné de Marcelin, l'organisateur en chef dont on vient d'entendre les directives au porte-voix. Marcelin, d'ailleurs, s'est mis sur son 31. Il porte un petit ensemble assez époustouflant en broderie anglaise, tunique et pantalon d'un blanc tout à fait éclatant. Juste avant l'apparition des masques, une dernière danse. Bon, actuellement, vous êtes en train de voir une danse des femmes, toutes de blanc vêtues. C'est le banti. Le banti, et en tête de ce banti, vous voyez des femmes qui tiennent des espèces de cuillères en bois. Disons, celles-là, ce sont des cordons bleus, si vous voulez. Ce sont des femmes qui ont prouvé leur qualité culinaire. Donc, vous savez, dans toute fête, pour que ça marche, il faut la présence de ces femmes-là. Et comme ce sont elles qui vont faire la cuisine du mouton sacré, et elle vient faire étalage donc de leur qualité culinaire. Il y en a une qui tient un très grand couteau aussi. Oui. Ce couteau, si vous le regardez bien, il s'apparente à celui que tenait ce matin le dépositaire de la coutume. Ceci pour vous dire que s'il n'est pas présent sur la place publique, le dépositaire de la coutume participe donc à ses chants et à ses louanges. Ces femmes-là sont en train de faire des louanges, c'est des chants de bonheur. Ceci pour annoncer que la fête va se passer bien et que chacun partira d'ici avec de la joie. C'est un masque qui a une figure assez effrayante. Oui, c'est un masque de style libérien. Il est nettement différent de ceux qui existent ici. Et vous voyez, sa robe diffère de tous les autres. Elle est longue. Elle est longue, voilà. C'est une robe longue. Et c'est un masque vieux de plusieurs générations. Hein. Comment ? Il exprime, disons, vous voyez, il a un visage très hideux, qui fait très peur. C'est un masque qui a fait des guerres. Et disons, très dangereux. Ceci, c'est pour l'empêcher, parce que souvent, il peut frapper. Les plumes qu'il a sur la tête. Ce sont des plumes d'aigle. Et ce n'est pas n'importe quel masque qui porte les plumes d'aigle, parce que les plumes d'aigle témoignent de la sagesse du masque, de sa puissance. L'aigle, disons, c'est le signe de la puissance chez nous. Vous voyez d'ailleurs, il y a le chanteur qui tient une plume d'aigle entre les mains. C'est le plus vieux des chanteurs et c'est le plus important. Voilà, arrivez devant nous du masque danseur. est allongé par terre dans un fouillis de paille. Qu'est-ce qu'il fait là? Il attend le morceau qui va suivre, qui se repose simplement. Et autour de lui, avec juste un pagne? Oui, il y a ces trois ceux qui le suivent. Hein. C'est des gens qui sont là pour le protéger également. Voilà, trois jeunes. Ils le rafraîchissent de temps en temps, je crois. Voilà, exactement. Parce que cette paille, cet amoncellement de paille autour du corps doit être extrêmement chaud. Oui, c'est exact. C'est pour éviter aussi sa chute et tout ça qui sont à côté. Bon, non. J'ai dit que c'est juste pour lui dire bonjour et pour voir son morceau de danse. On lui a fait appel et qu'on lui donne 500 francs. Il peut danser devant nous là? Oui, il va danser. Il est en train de se lever, ça semble assez difficile parce qu'il est complètement empêtré dans son raffia. Ça y est, il est debout, très très très très volumineux, très impressionnant, avec une énorme coiffe et il va se mettre à danser. Voilà, il a un chapeau très énorme, tout cela est lourd, vous voyez son accoutrement, mais il est très très beau quand même là-dedans. Voilà. Il y a le masque danseur, lui c'est vraiment la danse, puis c'est la jeunesse aussi, parce que plus il fait de prouesses, mieux cela vaut. Et vous avez aussi les masques chanteurs, masques chanteurs et danseurs sont des animateurs, des fêtes de manière générale. Maintenant, nous avons les masques guerriers qui, étaient utilisés pour la conquête du territoire que devait occuper le lignage ou bien la défense du territoire déjà occupé. Donc, eux, ils sont là pour maintenir l'ordre et quand il y a une manifestation à laquelle participent les masques de sagesse, ils devaient veiller au bon ordre, n'est-ce pas, dans le village. Le masque sacré, lui, il a un rôle religieux parce que c'est lui qui organise les grands sacrifices, les grandes fêtes rituelles qui réunit l'ensemble de la famille, aussi bien ceux qui vivent dans le lignage que ceux qui sont dans d'autres lignages, parce que les femmes mariées ailleurs, n'est-ce pas, leurs enfants et elles-mêmes, leurs maris, viennent le jour où le masque sacré de leur village va se manifester. À Béwa, l'après-midi avance dans une chaleur écrasante. Peu à peu, en ordre hiérarchique, les masques les plus importants se présentent, masques guerriers, masques de sagesse. Alors ces masques de sagesse, comme ceux que nous voyons là en ce moment, ont des pouvoirs aussi particuliers? Oui, ils ont des pouvoirs particuliers, bien sûr. Il y en a un de la sous-préfecture de Bleu-Lesquin, par exemple, qui lui... peut allumer un feu bien embrasé là, hein. Et puis il y met son fétiche à côté. Celui qui l'accompagne dose 2 à 3 fois, et quand il lui dit que c'est ok, il donne un morceau, et après avoir dansé, il s'assoit dans le feu et le feu s'éteint. Il s'assied, le masque s'assied. Le masque, oui, il s'assied. Oh, le raffia en principe, ça devait brûler et tout disparaît. C'est dire qu'il y a quand même une force surnaturelle. Jusque-là, on peut pas savoir réellement d'où ça vient. Voilà. Il y a des masques très puissants. Quoi, il a un homme ou quoi? Le voyez est devant vous. Vous le voyez? Entretien avec le masque d'ancien. Oui, c'est un masque qui entretient. Voilà. C'est un masque qui entretient l'ambiance. Disons, c'est un masque qui amuse beaucoup. Voilà. Lui, il amuse beaucoup. Alors, il cause à tout le monde, il est très distrait. Lui, il n'a pas trop de problèmes, il n'est pas compliqué. Il imite tout. Non, il dit que lui il veut faire un morceau, mais il faudrait que je lui donne 1000 francs. Il a dit c'est trop. Il imite le tam-tam comme ça. Hein. Il chante et il frappe pas même dans le tam-tam, tu vois. Tout ça pour amuser son monde. Il peut vous imiter le son de la guitare et tout ça. Oui. Bon, là, c'est un masque de sagesse. Il est du village de Nyondé. Et c'est un masque très puissant. Vous voyez, il porte des plumes d'aigle. Ils sont beaucoup plus grands que les autres, ceux-là. Effectivement, ils sont beaucoup plus grands. C'est ce qui exprime d'ailleurs la force. Ça démontre leur âge et leur puissance. Voyez-vous le poids de ce qu'ils portent. C'est différent des autres nettement. Et là, bon, c'était un masque frappeur. Et il faut se lever justement quand il arrive. Vous voyez, il faut se lever. Il faut se lever ou applaudir. Voilà. Ça pèse combien à peu près ce qu'il a sur lui? Ça peut faire 10 kilos hein, et plus. Il y en a qui portent 15 kilos facilement. Hein. Il est accompagné de trompes. Oui, de trompes, voyez-vous, de trompes. Il est accompagné de trompes. Il a une sagaie dans les mains. Voilà. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Attention à son passage. Tenez-vous debout. Voilà. Il a des cornes de quoi? C'est des cornes de biche. Ouais. C'est des différents animaux, d'ailleurs. Voilà. Il ne danse pas, lui. Il ne danse pas. Il exécute quelques pas seulement, il danse pas. Voilà. Absolument énorme. Sa jupe doit faire environ 2,50 m de diamètre. Oui, c'est ça. Et elle est attachée au niveau du cou. Elle n'est pas autour de la taille, hein. Elle part non, du cou. Pas du tout autour de la taille. Ça se repose simplement. Il n'y a seulement que le bas qui est autour de la taille. Le reste se repose dessus. Voilà. Donc ça donne un masque assez effrayant avec une vingtaine de cornes, une forêt de cornes sur la tête, des yeux qui sont deux miroirs. Voilà, c'est ça exactement. Sortir simplement parce qu'il y a un besoin au niveau du lignage. C'est-à-dire quand un masque sort pour la première fois, admettons qu'il y ait un lignage qui n'est que deux masques, un masque de sagesse et puis un masque guerrier. Bon, les jeunes gens voudraient quand même avoir un masque danseur, n'est-ce pas, pour animer, pour les amuser. Donc à cette occasion-là, on peut créer, n'est-ce pas, un masque. Alors créer, ça veut dire qu'il y a un des garçons de la confrérie des masques qui va aller se sculpter un masque sur un arbre et qui va donc intégrer la personnalité du masque, c'est oui, ça? Oui, c'est-à-dire que bon, s'il désire faire sortir un masque, donc c'est un masque tout à fait nouveau. Bon, il va d'abord voir au niveau des notables, bon, du masque sacré et de tout son entourage pour demander l'autorisation. Quand l'autorisation est accordée, eh bien, on fait sculpter, mais ce n'est pas l'individu lui-même qui sculpte, à moins de faire partie d'un lignage qui est spécialisé pour ce travail-là. Donc, si ce n'est pas le cas, il va chez des gens, des artisans, qui lui font le masque, et après, il y a une cérémonie, et il peut sortir rien que pour ça, parce qu'on dit, aujourd'hui, il y a un nouveau masque qui va venir dans le lignage, ou alors, ça peut être à l'occasion d'une fête et on peut faire sortir un masque. Quelques mots sur ce dernier masque qui est le plus important. Oui, c'est le plus important. C'est le plus grand des masques, l'ancêtre des ancêtres d'ailleurs. Vous voyez, il est nettement différent de tous les autres. Les courriers que vous voyez démontrent sa puissance. Et là, son origine, vous voyez, c'est un masque de type vraiment spécial. Pourquoi a-t-il une tête de bœuf? Là, c'est une question de conception, je ne sais pas pourquoi. Et il a une très grande coiffe de kori derrière. C'est sa puissance. C'est-à-dire c'est un masque de paix. À ce moment-là, les guerriers de cette région du Cavali étaient en guerre contre ceux de l'autre côté du Cavali. Et ils étaient plutôt... il y avait beaucoup de morts. Et à un moment de trêve, l'un d'eux a vu flotter sur la Cavali ce masque. Et à ce moment-là, ils ont pris ce masque et la paix est revenue. Et ça se situe à peu près quand? Je crois que ce masque-là doit... Enfin, je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais je crois que ce masque-là est une réplique qui date de 4 générations. Il vous remercie pour être venu à cette fête. Et il vous prie de transmettre à toute la délégation qui a bien voulu participer à cette fête. Et il vous dit merci à tous. Et il vous apporte sa bénédiction. Que partant d'ici, tout vœu soit exaucé. De ce reportage en Côte d'Ivoire au pays Yacouba et au pays Guéré. Je voudrais remercier particulièrement Dion Sadia, ministre du Tourisme de la République de Côte d'Ivoire. Merci aussi à Alice Capel et Laurence Ball qui ont aidé ce voyage à se réaliser. À Déoulé, c'est Vincent Lavigne qui commentait, à Béoua, Marcelin Goulet Thiessam. Angèle Nyonsoa était l'historienne qui donnait les explications sur les masques et elle est elle-même de l'ethnie Guéré. Les lectures étaient faites par Daniel Sarki. Prise de son, Bernard Manteau qui a héroïquement tendu la perche au masque sous un soleil de plus de 50 degrés. Réalisation Annie Flavel, mixage Daniel Bizien et Patrick Nuiri. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 avril 1985. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.